France Inter, le 13-14. Le vif de l'histoire avec vous, Jean Lebrun. Vous nous parlez de la Transnistrie. Alors pour comprendre, nous allons tracer deux lignes sur la carte de l'Ukraine. L'une horizontale à l'est, la mer d'Azov avec Mariupol toujours assiégée. Et plus à l'ouest, Odessa et Nikolaïev qui la protègent jusqu'ici. Objectif de Poutine, faire de la mer Noire un lac russe. Et puis une ligne verticale correspondant au cours du Dniestre, un territoire déjà sous contrôle russe qui porte le nom de Transnistrie. Les deux lignes, en se rejoignant, enclaveraient totalement l'Ukraine. Alors, on va partir du Dniestre. Évidemment, vous avez une carte, vous, Jérôme. Bien sûr. Alors, c'est le fleuve par lequel circulaient les richesses céréalières de l'Ukraine qui se jette dans une grande lagune, vous voyez, au contact de la mer Noire. C'est ça. Non loin de cette lagune, Odessa, le grand port exportateur. Et en amont de la lagune, sur 450 kilomètres, regardez bien. Le Dniestre est largement contrôlé depuis 30 ans par une pseudo-administration qui n'est ni à l'est du fleuve, l'Ukraine indépendante, ni à l'ouest du fleuve, la Moldavie indépendante. C'est la Transnistrie, une bande de territoire, en effet, fort longue, mais très peu large, parfois une dizaine de kilomètres seulement. À la fin de l'URSS, la Transnistrie, où on parle roumain, russe, ukrainien, a refusé de rester jointe à l'ex-république soviétique de Moldavie qui prenait son envol, et encore moins à l'Ukraine. Et des combattants séparatistes, appuyés par la 4e armée russe, ont contenu les soldats moldaves et créé cette entité qui n'est reconnue par aucun État. La capitale, vous voyez, oui, en est Tiraspol. Les rares visiteurs étrangers, il n'y a pas la place, c'est pas assez large pour un aéroport civil, constatent qu'on y cultive la nostalgie de l'URSS. Une grande statue de Lénine trône encore en plein centre. Un petit musée à côté présente sous le titre « Rivière de sang » les combats qui eurent lieu en 1992 à la fin de l'URSS. Règne sur place un capitalisme de contrebande, fondé sur le jeu avec les taxes différenciées, importation, exportation, fixées par les pays voisins. Après l'invasion de l'Ukraine, le conflit de Transnistrie, qui était gelé depuis 1992, s'est soudain réchauffé. Il y a beaucoup de provocations ces temps-ci. Il faut se méfier du dégel dans ces régions. On l'appelle Rasputitsa. Les eaux peuvent monter à des niveaux extrêmes. Pendant ce temps, du côté ukrainien, Odessa se prépare au pire. La propagande russe incrimine les nazis d'Ukraine et maintenant de Moldavie. Le ministre Lavrov laisse entendre que Zelensky, d'origine juive, peut être nazi puisque Hitler lui-même avait du sang juif. Alors je voyais des photos de l'opéra d'Odessa, protégé aujourd'hui par des sacs de sable, et me sont revenus en mémoire les longues conversations que j'ai eues autour de la période 41-44 qu'avait vécu là-bas un vieil ami depuis longtemps disparu, un peintre roumain qui tenait pendant cette période 41-44 le poste de décorateur de cet opéra. Georges Tomasi, c'était son nom, était en réalité espion pour le compte de sa majesté britannique, qu'il devait renseigner sur ce qui se passait dans la région qu'on appelait déjà la Transnistrie. Non sinistre en fait. En 41, Hitler avait entraîné dans l'invasion de l'URSS son allié, la Roumanie, dirigée par un conducator. Ça en dit long, ce nom. Le maréchal Antonescu. En échange, il avait donné à Antonescu la Moldavie et il avait ajouté en prime la Transnistrie, qui était alors un territoire beaucoup plus large qu'aujourd'hui et qui incluait Odessa. Tomasi me racontait l'opéra, avec ses soirées, l'ancienne bonne société comme ressuscitée, et le jour, les massacres inouïs. Antonescu voulait déporter les Juifs de Roumanie en Transnistrie, dans des camps de travail où ils mourraient ou seraient stérilisés, quand c'était pas dans des porcheries industrielles reconverties. Mais Hitler, de son côté, voulait aller plus loin. Le meurtre de masse allait plus vite que la déportation de masse. Et quand lui parlait de réinstallation des Juifs dans cette zone, il pensait à des espaces où les Juifs creuseraient des tranchées, où ils seraient aussitôt abattus par balles, la Shoah par balles. Ça s'est passé aussi en Transnistrie. Mon ami Georges Tomasi me raconta ainsi une de ces journées terribles aux côtés d'un colonel allemand dont il était chargé d'épier les faits et gestes. Néanmoins, la Transnistrie ne fut pas aussi longtemps un cercle de l'enfer que l'Ukraine occupée par les Allemands. Antonescu, en effet, cherchait à préparer sa défense face aux alliés dont il savait qu'ils allaient gagner. Au total, la Roumanie a tué 300 000 juifs en Transnistrie, mais fin 42, c'en était déjà fini. Bucarest, cherchant à changer de camp. Ce chiffre que je cite, je le trouve dans le livre de l'historien américain Timothy Snyder, qui vient d'être édité de nouveau par Gallimard et qui s'appelle « Terre de sang ». Terre de sang, rivière de sang, voyez, le mot Transnistrie, on préférerait l'oublier. Timothy Snyder, Terre de sang, la nouvelle édition, sort chez Gallimard cette semaine, ce 5 mai. France Inter.